Bonjour, bonsoir, c'est Mathieu. J'ai une annonce à vous faire. J'ai écrit une nouvelle série. Elle s'appelle La clé de l'imaginaire et raconte l'histoire de Yanis, un enfant dépourvu d'imagination qui va embarquer pour une quête incroyable pour ouvrir la porte de son imaginaire. Elle est disponible en exclusivité sur la nouvelle création Audible Originale, La Station Imaginaire. En plus de ma série, vous pourrez écouter L'oreille musicale, La dictée rigolote, mais aussi Les courriers de Mademoiselle Ursule, la sorcière la plus savante de la Terre. Il y a même un escape game dans lequel vous devrez déjouer les plans de l'infâme docteur Mordicus. Pour écouter tout ça, rendez-vous sur l'appli Audible ou sur audible.fr. Et maintenant, place à votre petite histoire. Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez du vent, quelques pigeons, une feuille, un paquet d'acrobaties et vous obtiendrez le surf voltigeur. Tessa est coincée dans son appartement depuis si longtemps qu'elle ne prend plus la peine de compter les jours. Même si elle peut regarder la télé, profiter de ses jouets et de ses BD, l'ennui peut surgir n'importe quand pour l'emporter dans sa tanière débordante de tristesse. Heureusement, Tessa a mis au point une technique infaillible pour lui échapper. Elle s'installe à sa fenêtre et contemple le paysage. Si la vue n'a rien d'extraordinaire, elle offre juste ce qu'il faut de ciel bleu, de verdure et d'animation pour s'évader. En face, un gang de pigeons roucoule sur un muret. Un coup de vent propulse une feuille sous le nez de Tessa. L'instant d'après, la voilà qui surfe les courants d'air, bientôt rejoint par les pigeons. Ensemble, libres comme l'air, ils virevoltent et dessinent des tas de figures acrobatiques. Puis sa mère appelle Tessa pour le goûter. Ça tombe drôlement bien. Toute cette voltige lui a ouvert l'appétit.